suite sur France Culture du lundi au jeudi. Une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, 4 paysages, une série de Camille Jusa réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a les rues que l'on arpente, les immeubles, les usines plantées au milieu de nulle part et leur ombre portée, les parcs que l'on traverse, les allées bordées de maisons. Il y a des tours, des hangars, des grands ensembles, des esplanades, de grands gestes architecturaux et d'autres plus discrets. Car on habite un décor pensé, porteur d'un projet individuel ou collectif, égoïste ou généreux, mais porté par une idéologie, même si elle cherche parfois à se faire discrète. L'architecture est une fiction comme une autre, le tout est peut-être de savoir quelle histoire elle nous raconte. Alors pour commencer, les personnages. Un ouvrier qui revient sur les lieux où il a trimé, un auteur qui est un enfant du pays, des mineurs qui se sont perdus dans les boyaux qu'ils ont creusés, un syndicaliste qui sait qu'il a aimé son métier usant, un ouvrier devenu guide. Ensuite, le décor. Une vallée semée de hauts fourneaux éteints, des friches industrielles, du chômage, des concerts donnés par les ouvriers au château, un ciel rougeoyant, des étincelles, de l'acier, des laminoirs, Notre-Dame du Fer, une statue de fonte et des usines vides assez grandes pour abriter des cathédrales. Aujourd'hui, 4e épisode, on est en Lorraine, dans la vallée de la Fensch et on n'entend rien. Vous voyez, quand vous passez comme ça dans l'usine, c'est mort. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruitage. Tandis qu'avant, quand c'était en activité, c'était un bruit infernal, un sifflement continu. C'était vivant, quoi. Mais là, c'est figé. C'est resté en naturel. Et quand vous voyez, quand vous venez de là-bas, vous avez une vue d'ensemble de l'usine. Oui. Vraiment ce qu'il faut. Quand vous venez du jardin des traces, vous avez une vue du site magnifique. Hein, vous avez vraiment le truc. Et alors, il faut énormément de photos de mariage. Donc là, c'est pas la saison, mais quand vous allez au jardin des traces, vous avez la nature. Et au fond, vous avez la nature morte, et au fond, la cathédrale d'acier. Les cathédrales d'acier de Lorraine, quand l'industrie quitte une vallée. Camille Jusa, Vincent Deck. Au loin, les deux hauts fourneaux sont à l'arrêt devant l'usine. Des cagettes, des pneus brûlés, des centaines d'ouvriers massés, la plupart désespérés. Monsieur Hollande, sauvez-nous! On est mort ici, monsieur Hollande, on est mort! François Hollande vient d'arriver, visite surprise, tous essayent de l'approcher, de le toucher. Appelez, mais me tiens pas. Le candidat socialiste monte alors sur le toit de la camionnette bleue de l'intersyndicale, image qui rappelle Jaurès, Blum, les grandes heures du socialisme ouvrier. Bien, monsieur Hollande, merci d'être venu soutenir notre action, notre lutte. Parce que ça fait des années qu'on se sent bien seul. Je ne veux pas ici vous faire des promesses que je ne serai pas capable de tenir. Je suis venu vous dire ma responsabilité pour que des sites comme cela puissent vivre et puissent se développer et se moderniser. Voilà mon message devant vous. De cette vallée, nous connaissons tous le brouhaha médiatique. Un candidat qui grimpe sur une camionnette, un ministre qui menace un industriel de nationalisation, et finalement, un scénario couru d'avance, l'arrêt des deux hauts fourneaux et 3000 personnes sur le carreau. 5 ans après, le brouhaha a un autre son, celui d'un jeune maire FN qui met du lard dans la soupe distribuée aux pauvres et menace d'expulsion le Secours populaire. La bretelle de l'autoroute a fait surgir devant nous deux gigantesques carcasses de métal qui se dressent vers le ciel. Tout à l'heure, quand la route nous mènera au-dessous des deux hauts fourneaux, nous verrons le détail de leurs tuyaux, de leurs rampes. Apparaîtront aussi de grands hangars d'où sortent d'énormes canalisations, des cheminées, des châteaux d'eau rouillés juchés sur des chevalets métalliques, des morceaux de voies ferrées. Pendant des kilomètres, la route longera des installations qui semblent figées, sauf ici ou là quand on aperçoit presque étonné quelques fumées. Tout autour de ces monstres, le fond de la vallée est tapissé de petites maisons ouvrières, serrées les unes contre les autres. Depuis 40 ans, la crise de la sidérurgie ferme l'une après l'autre les usines de cette vallée de la Fensch, qui avait été façonnée par la puissante maison de Vindel. Ces grands industriels avaient attiré par milliers des ouvriers prussiens, polonais, italiens, puis des Algériens et des Marocains. Ils avaient organisé leur vie dans ces moindres détails pour optimiser une production d'acier lancée à plein régime pendant des décennies. Désormais, la vallée donne à voir un immense paysage post-industriel dont la lecture, pour les néophytes que nous sommes, reste pour l'instant obscure. Marco Hémine, vous êtes un enfant du pays. Vous êtes né ici, dans la vallée de la Fensch. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la vallée. On a remonté avec vous cette vallée, c'est comme si on avait remonté le temps. On peut traverser l'histoire de l'industrie du fer, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, sur une dizaine de kilomètres. Et on peut traverser l'histoire de l'urbanisme industriel, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, sur cette même longueur d'une dizaine de kilomètres. Donc caractérisée par des collines de 100 et 200 mètres de hauteur, des vallées assez encaissées. Et au centre, comme si c'était le squelette de la vallée, toutes ces installations industrielles qui sont le cœur de la vallée. Il n'y a pas un mètre carré dans cette vallée qui ne soit pas marqué par cette histoire industrielle. Nous avons une vue sur la vallée industrielle et Hayange notamment, avec à l'horizon les hauts fourneaux, surplombés par la colline du Banholz, où il y a la Vierge, la statue de la Madone, qui avait pour mission de veiller sur le marché mondial de l'acier. Elle a fait son boulot. Pendant des années, la vallée était florissante. Elle continue, je pense, à veiller sur le marché mondial de l'acier. Le problème, c'est qu'il s'est aujourd'hui déplacé et qu'il n'est plus vraiment dans cette vallée. C'est une très grande statue donc qu'on voit en effet se détacher au loin sur la colline. On en voit le profil, on distingue d'ici qu'elle est vraiment très grande. Elle a été fondue dans la première coulée de fonte des hauts fourneaux qui sont aujourd'hui éteints et qui marquent aujourd'hui le paysage de cette vallée d'une façon extraordinaire. Nous sommes au début du siècle, 1903. Quand il y a eu la première coulée de fonte, Lied Vadel l'a offert au conseil de fabrique, qui a fait fabriquer cette statue et qui est sur la colline depuis ce temps-là. Marco Lénine, en réalité, ce paysage, il est déjà très transformé. On a traversé avec vous, un peu plus en amont, une grande friche sur laquelle la végétation commence à repousser. Ce sont plusieurs hectares où on distingue des grandes carcasses, des anciens hangars. En réalité, auparavant, quand vous étiez enfant, c'était toute la vallée qui était industrialisée. Il y avait des installations industrielles partout. Il y avait une densité d'installations industrielles incroyable, extraordinaire. Et nous marchions sous les feux des convertisseurs. Le ciel était toujours rouge, c'était des milliers de tesselles en fait. Les maisons étaient au pied des convertisseurs. Et il y avait en permanence sur les maisons une couche de poussière de 5 cm. Et des gens vivaient volés, fenêtres fermées. Le bruit était permanent. Les gueulards qui sifflaient, les aciéries qui hurlaient, enfin, c'était le bruit de l'enfer. Et le ciel était toujours, au mieux, roux, parce qu'il y avait toujours cette poussière qui planait sur la vallée. Et souvent, un ciel d'enfer, quand les hauts fourneaux, les aciéries crachaient leurs étincelles et leur feu, le ciel était rougeoyant, enfin, c'était un décor dantesque. Là, dans le temps, à Hayange, c'était vraiment une ville florissante. Hein. Maintenant, ça a beaucoup changé. Hein. Ça a beaucoup changé. Alors, voyez ici, là, dans le temps, c'était le conservatoire. Vous voyez, c'était vraiment une ville. C'était important. Hein. Donc, bon, voilà, les installations. Donc là, vous avez les hauts fourneaux. Vous voyez les gros trucs métalliques, là, sous cocon. Sous cocon, ici, ça veut dire que c'est pourri, hein, maintenant. Hein. Vous savez, un haut fourneau qui ne fonctionne pas. Il n'y a plus de chauffe, il n'y a plus rien, ça va tomber en ruine. Les hauts fourneaux, c'était jusqu'ici, là. Et là, maintenant, la série qui est tout aussi sous cocon. Les hauts fourneaux, c'était à Hayange. le train à chaud et la coquerie, c'est Sremange. Et en fait, les installations, elles se suivaient dans l'ordre de la production, c'est-à-dire... Voilà, c'est en amont, c'était les mines et tout ça. Hein. Et après, on arrive au fourneau, hein, qui transforme le minerai en fonte. Ensuite, on passe à l'acierie et ça fait des brames en sortie, laminée après. Donc là, c'était l'acierie avec les lignes de coulée continue derrière. Ça s'est fermé aussi. Ça s'est arrêté aussi. Hein. C'est toute la filière à chaud. C'est le laminoir. Alors qu'ils transforment la brame en ce qu'on appelle des coilles, c'est-à-dire c'est des rouleaux, hein, vous voyez, c'est le grand hangar là. C'est très en longueur. Ah oui, c'est très long. Hein. On part d'une tôle qui fait environ 20 mètres et on arrive à quelque chose qui fait 2 km au bout. Hein. Et bien la tôle s'allonge. Hein. S'allonge et après ça passe sur des enrouleurs, hein, et puis ça fait des coilles. C'est un sous-produit du train à chaud qui va après au train à froid. C'est au train à froid que là, on va faire les tôles d'emballage, les tôles automobiles. Voilà. Et on envoie ça aux clients. Pour l'automobile et puis l'industrie, ou alors des aciers pour emballage, pour faire des boîtes de conserve, en fait. Vous êtes ici à la mine d'Ayange, enfin l'ancienne mine d'Ayange, et là, vous voyez, les galeries. Voilà ce qu'on appelle une mine à flotte coteau. C'est-à-dire que ce sont des galeries que l'on va creuser et on est en plein dans la couche de minerai. Donc c'est plus facile, entre guillemets, que de descendre avec un puits et d'atteindre 240 mètres. Là, on est de plein pied. Voilà, et on va y aller. Voilà, venez. Sentez déjà la différence de température. Hein, voilà. En quelle année on a cessé complètement l'exploitation des mines dans la vallée ? 1997. Parce que le minerai n'était pas assez riche. Il était à 32%. Donc en fait, si on voulait avoir une meilleure rentabilité dans les usines, il fallait mieux aller chercher le minerai en Mauritanie, au Brésil. On a pris ce pari de dire, voilà, on va construire des gros bateaux, qu'on a appelés les minéraliers, on va aller chercher le minerai, et on s'est dit, on va faire deux grosses usines, une à Dunkerque et une à Fos, Fos-sur-Mer. Et ces grosses usines faisaient de l'acier à moindre coût et à plus grande rentabilité. Ben, les usines du coin, plus de débouchés pour les mines de fer. Les mines de fer ont fermé. Sur 60 mines en activité, il en restait plus que 11. 60 mines en activité, oui. Ça veut dire qu'en fait, la vallée, elle était, c'était un gruyère. Oh là là, c'est-à-dire qu'on, oui, on exploitait tout autour. Et si vous allez vous balader dans les champs par là, vous verrez à un moment donné, les champs qui sont plats, tout doucement, ils s'incurvent. Ça veut dire que là, on a été chercher tout le minerai en dessous et on a fait effondrer les terrains. On arrive à faire que le paysage va changer. Voilà. C'est un labyrinthe quand même, hein ? Ah, c'est un labyrinthe, c'est sûr. Nous, quand on a pris ces galeries encore, on s'est même paumé une paire de fois. C'est des gruères, hein. Et imaginez, depuis qu'on a mis en place l'exploitation dans les mines de fer, on a exploité, on a percé 45 000 kilomètres de galeries. 45 000 kilomètres, le tour du monde, là, en Lorraine, dans notre sous-sol. On a exploité 3 500 millions de tonnes de minerais. Imaginez, il a fallu les arracher. Alors, l'intérêt de cette exploitation, c'est qu'au départ, il fallait qu'on atteigne les usines qui se trouvaient justement en contrebas dans la vallée. Alors là, on avait les wagonnets sortaient de la mine avec ce minerai et on avait fait un tunnel qui passait de là et qui allait directement à l'usine. Ça, c'était les exploitations de Vindel. On était ici dans une mine qu'on appelait les mines intégrées, c'est-à-dire une mine qui était reliée à une usine. Parce que vous, Antoine Bach... Mm-hmm. Vous êtes un ancien mineur. Alors moi, je suis un ancien mineur. J'ai fait 36 années à la mine. J'ai vécu comme beaucoup de gens ont vécu, c'est-à-dire, on a 14 ans, on passe le certificat d'études ou aller travailler. Il y avait deux endroits, la mine et l'usine. Mais l'usine payait moins que la mine. AP3 l'usine gagnait 35 000 francs par mois à l'époque. Un mineur gagnait 70 000 francs. Et c'est pour ça que les sidérurgistes étaient jaloux des mineurs. Quand on a commencé à fermer les mines, il n'y a pas eu de solidarité. Ils ont dit cela, ils ont une grande gueule, qui se démerde. Donc les mineurs, ils étaient jalousés parce qu'ils gagnaient de l'argent. Qu'est-ce que ça vous a fait quand ça a fermé ? Je me suis dit, la région va prendre une claque. La région va prendre une claque parce que si on ferme les mines, a fortiori, on va fermer les usines. Les hauts fourneaux. Mais il y en avait 90. Ça fumait de tous les côtés. Et à partir du moment, parce que les sidérurgistes, eux, ils n'ont pas compris, quand on a commencé à fermer les mines de fer, bah, ils se sont dit, nous, on continue à fonctionner. Et on a pas, oui, ils ont fonctionné encore en quelques années. Puis tout doucement, une usine a fermé, l'autre a fermé. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus rien. En fait, l'usine qui nous approvisionne, c'est Dunkerque. Ils nous amènent de l'acier. Des gros blômes d'acier, et ça va à Florange, on réchauffe cet acier. Combien de temps on va tolérer qu'on fasse ce truc-là ? Ça, c'est un peu pour faire avaler la pilule. Alors moi, quand j'ai vu ça, effectivement, qu'on fermait les mines, moi, pour moi, ça a été un coup au cœur pour les mineurs, bien sûr, mais je me suis dit aussi, ça ira mal pour le reste. Ce dimanche matin, pour rejoindre la répétition de l'harmonie fanfare d'Ayange, nous avons traversé Florange, Serémange, Nilvange, Knutange, des kilomètres de petits bourgs serrés et endormis. Ici, on vit dans les vestiges des cités ouvrières, bien rangées, chacune datant précisément les raffinements du paternalisme de la maison de Vindel, les maîtres incontestés de la vallée et de la sidérurgie française. Maisons ouvrières au ras des usines, puis maison des contremaîtres, maison des ingénieurs légèrement en retrait, et sur les coteaux, les directeurs d'usines avaient le droit à de riches petits manoirs aux multiples ornementations. Nous avons traversé la place de l'hôtel de ville, son sapin et sa crèche municipale, dont les trois rois mages étaient tous blancs, à les savoir, pour entrer au Molitor, le théâtre construit en 1952 par, aux surprises, la maison de Vindel. Gaston Bedoux, vous êtes le président de l'Orchestre symphonique de la ville d'Ayange, qui est la plus vieille association ayangeoise. Nous avons débuté avec la maison de Vindel à l'époque, et à partir de 1973, on est venu autonome. Et ça voulait dire quoi ? Vous avez commencé avec la famille de Vindel ? De Vindel à l'époque, c'était eux qui géraient la société de musique, qui nous ont offert les instruments de musique, et tout, on était payé par la maison de Vindel. C'était des ouvriers de la sidérurgie. Les ouvriers et les employés de la sidérurgie. Et on les laissait partir. Quand ils travaillaient le poste d'après-midi, ils venaient aux répétitions à 17h. Jusqu'à 21h, ils étaient payés, mais ils venaient faire de la musique. Comme le basket, comme le football à l'époque. Et alors pourquoi en 1973, elle est devenue indépendante ? Parce qu'à l'époque, la famille de Vindel a quitté la région. Et ils ont laissé leur château et donc ils sont partis sur Paris. Ils ont laissé la sidérurgie. Et vous-même, vous avez travaillé dans la sidérurgie ? Je travaille encore à la sidérurgie, oui. J'ai commencé à la sidérurgie comme mon papa, comme beaucoup de musiciens. Donc maintenant, je suis à ArcelorMittal, à Florange. Moi, je travaille au recuit continu, l'outil qui fait les tôles pour l'automobile. En 2012, les hauts fourneaux ont été mis sous cocon. Oui. Ils sont juste derrière les hauts fourneaux, ils sont à 150 mètres, même pas. Enfin, comment c'est la vie depuis là, quasiment 5 ans ? Disons, il faut savoir quand même que depuis 2012, avant 2012 déjà, les hauts fourneaux avaient eu des arrêts et on était livrés en tôle par Dunkerque et d'autres usines, même du Brésil, un peu de partout. Donc les hauts fourneaux, de toute façon, il fallait investir en 1990 et aujourd'hui peut-être qu'ils seront encore là. Ils ne fonctionneront plus jamais, ils ne seront jamais plus en route. Hein. On reçoit directement des brames ou des coils. Hein. Les coils, c'est des grosses bobines qui font entre 20 tonnes et 30 tonnes. Ça veut dire qu'en fait, la sidérurgie et la métallurgie, c'est une longue chaîne de production et vous n'avez plus qu'un morceau. Ouais. Et ce qui est en amont est produit ailleurs maintenant. À Dunkerque. Qu'est-ce que ça a changé dans l'atmosphère de la vallée? Bah, disons la nostalgie quand même. Moi personnellement j'aurais voulu que les hauts-fourneaux restent, hein, ça c'est sûr. Il y avait 1500 personnes en plus, hein, donc de travailleurs, c'est ça qui est important. Donc en direct, hein, plus les indirects, donc ça fait tout de suite 3000 personnes. Puis bon, pour les anciens comme moi qui ont vécu toute la sidérurgie, on aurait bien aimé que nos hauts-fourneaux restent en Lorraine. Au moins deux hauts-fourneaux, voilà. Après, le destin a voulu qu'on les arrête. Hein. Là, ils sont en train de s'abîmer, j'imagine. Ils sont entretenus, ils sont... Non, non, ils ne seront plus jamais remis en route. C'est impossible. Au moins, ils vont les raser. Après, moi, personnellement, s'ils font une souscription ou quoi, s'ils ont besoin d'argent, on fera même un concert s'il faut garder nos fourneaux, ça c'est sûr. Même s'ils ne fonctionnent pas. Au moins, rien que pour les enfants, les petits-enfants, qui sachent que la sidérurgie vivait en Lorraine. C'est vraiment étonnant quand on arrive ici parce que... On ne peut pas imaginer que l'usine et les hauts fourneaux étaient vraiment au cœur de la ville comme ça. Nous, quand la scierie soufflait, on devait fermer les volets, parce qu'autrement, on avait les étincelles. On était carrément dans l'usine, presque. Et là, vous préparez quoi? Donc, le concert de Nouvel An. Donc ça aussi, c'est une tradition. À l'époque, on allait chez M. de Vadel, au château. On était reçus par M. de Vadel. Il nous offrait un apéritif et on lui faisait l'aubade. Le Nouvel An. Et donc, on a gardé cette tradition. Comment ils étaient, les Devindel, quand vous alliez jouer chez eux? Accueillants. Hein. Bah, après, vous savez, c'était des nobles. Hein, donc, mais on avait tout ce qu'il fallait sur la table. Hein. Bon, après, à l'époque, moi, je vous dis comment ça se passait. Hein. C'était quand même le monde ouvrier et puis le monde bourgeois. Donc, il y avait tout à demeure. Les gens prenaient ce qu'ils voulaient, ils mettaient dans les poches, ils se servaient. Voilà, c'était comme ça. Hein. Ils savaient très bien que les gens prenaient les gâteaux, prenaient des cigarettes, ils prenaient tout avec. Hein. Il n'y avait plus rien sur les tables quand on avait fini. Hein. C'est l'origine, c'est le monde ouvrier. Hein. Moi, j'ai vécu ça, et c'est normal de toute façon. Hein. J'avais du champagne, les verres à champagne, ils ne repartaient jamais. Les gens prenaient tout avec. Hein. Ils le savaient qu'il n'y aurait rien à revenir, hein. Tout juste le camion. Hein. Ils ne prenaient pas le camion. Mais autrement, tout rien, tout était pris. Les ouvriers, ils aimaient les Devindel? Oui, ben, c'était normal parce qu'ils leur assuraient tout. Vous savez, moi j'étais petit, comme tous les enfants, quand je tombais dans la rue, ben, j'allais à l'infirmerie de l'usine, il y avait l'économat de Devindel. On venait tout acheter, les habits et tout, ils nous mettaient tout à disposition. Pourquoi? Parce que ça faisait un cercle fermé. Ils nous donnaient un salaire et puis d'un côté ils revendaient. Hein. Donc c'était la boucle était fermée, hein, c'était tout lui, il était propriétaire de tout. Hein. Mais bon, après les gens ils étaient contents, il y avait un hôpital, quand même il y avait l'hôpital d'Ayange. Les gens se faisaient soigner là et tout. Donc, comme l'église là, c'est lui qui l'a faite. Hein. L'église d'Ayange, c'est la même église que je crois à Paris. C'est une recopie. Hein. Non, ben c'était un autre monde. Hein. C'est la ville que tout le monde connaît parce qu'on a parlé de la bataille de Florange, voilà, et des hauts fourneaux d'eau Florange. Alors qu'en fait, les hauts fourneaux étaient à Ayange. Et ensuite, bon, après, la scierie, elle est à Sremrange. Et c'est tout ce qui est laminoir qui se retrouve à Florange. Et là, on a donc suivi une route le long des installations, voilà, vraiment parallèle aux installations. Voilà. Là, on arrive devant un grand panneau ArcelorMittal, voilà, Portier la Vallée. Ça veut dire quoi, Portier? Bah, ça veut dire que c'est une porte. On ne peut pas rentrer si on n'a pas notre badge. Ça veut dire que tout le centre de la vallée, en fait, il est entouré de grilles et personne ne peut rentrer dans le cœur de la vallée. Ah, oui. Vous savez, c'est des sites qui sont classés Céveso, donc il y a des risques. Hein, y a des risques. Il faut vraiment imaginer que là, on parcourt des installations gigantesques qui s'enchaînent sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Il y a vraiment des vieilles installations qui sont arrêtées depuis, moi je me souviens, 78, 80. des usines entières qui ont arrêté suite au plan acier qui a eu lieu. Hein. Parce que bon, il faut savoir que moi, en 1974, rien qu'à Solac, on était 12 000. À Florange. Ah oui. Actuellement, il n'y a plus que 2000 personnes. Hein. Ils sont partis où, les gens? Ils sont partis en mesure d'âge, en retraite, licenciés. C'est une fois que les mesures d'âge ont pu suffire qu'il y a eu ces contrats de conversion. Vous entrez en 74 dans la sidérurgie, mais vous avez une famille qui vient d'ici? Mon père travaillait dans la sidérurgie. Lui, il est né en Sardaigne, mon père. C'était un berger sarde. Et puis, on est une famille de 4 enfants et on est tous nés ici. Moi, je me souviens, en 74, quand j'ai démarré, on travaillait tous les jours, pratiquement. On s'arrêtait à Noël, à Nouvel An et à Pâques. Marc Olénine, on arrive du fond de la vallée, on a descendu cette vallée et nous sommes maintenant à Hayange, face à ces gigantesques monstres, ces fameux hauts fourneaux qui ont ouvert tous les journaux télévisés en 2012 parce qu'ils sont aujourd'hui à l'arrêt, en tout cas ce qu'on appelle sous cocon, avec très très peu de chances de redémarrer. On est au niveau zéro, hein, on est là où la vallée est plate, de chaque côté ces fameux coteaux. On est au cœur en fait de cette grande vallée industrielle. Oui, nous sommes ici sur une friche industrielle, une des plus récentes, c'est la friche de Pâtural, pied des hauts fourneaux. L'usine était dans la ville. Le centre-ville est à 150 mètres à vol d'oiseau. Donc l'usine et ses étincelles, le feu, la fusion, entrée dans la ville. Les gens avaient, en ouvrant leurs volets, avaient les hauts fourneaux en activité sous leurs yeux. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est sur le sol de la vallée, de chaque côté des coteaux. Et en fait, ce sont des coteaux qui ne sont pas tous naturels. En fait, c'est quand même un paysage qui a été remodelé par l'industrie. Et notamment, il y a tout autour de nous ce qu'on appelle des crassiers. Le nord a ses corons et nous avons nos crassiers. Dans les opérations de transformation du minerai en fonte, le fourneau servait à séparer ce qui deviendra la fonte de ce qui n'était pas adapté, de ce que nous appelions, nous, vulgairement, la crasse, qui était une espèce de scorie. Quand c'était le minerai lorrain, c'était de l'ordre de 30% sur... Un kilo de minerai, il y avait 700 grammes de scorie, de crasse. Ce scorie a été stocké dans des lieux qui sont devenus de véritables collines artificielles. Et jusqu'au début des années 80, quand la sidérurgie du haut de la vallée fonctionnait, les scories étaient transportées dans des wagons spéciaux qu'on appelait des poches, qui transportaient la matière en fusion et qui la déversaient sur le flanc de la colline. À chaque fois, le ciel flamboyait, la vallée s'illuminait, et c'était un spectacle extraordinaire. Lionel Buriello, vous êtes délégué CGT chez ArcelorMittal. À la base, moi, je suis au fourniste. Donc, j'ai eu la chance en 99 de rentrer en tant qu'intérimaire au fourneau et d'être embauché en 2000. Je dis bien la chance d'être embauché au fourneau parce que ça restera aujourd'hui une expérience gravée dans ma mémoire. J'ai vraiment l'impression d'avoir été un peu comme le mineur de fond. Donc les feux continuent, les tournées de nuit. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes entré au fourneau à Hayange, votre premier jour de travail? Je vous avoue que la première fois que j'ai vu le plancher de couler, j'avais qu'une idée en tête, c'était c'est de me sauver, quoi. Ah ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça hyper archaïque, démodé. Je pensais que ça se faisait plus, quoi. J'ai eu l'impression d'être dans un cratère de volcan. Enfin, voilà, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais en même temps, voilà, je pensais que la façon de faire de la fonte, enfin, couler de la fonte ou de faire de l'acier, tel qu'on me l'a présenté, ça n'existait plus. Je voyais ça plutôt dans les films de Charlie Chaplin en noir et blanc, quoi. Voilà, je le dis très clairement, c'était un métier très, très rude, très, très dur, très ingrat. Il y a de la poussière, il y a du gaz, donc du monoxyde de carbone. monoxyde de carbone, pardon, donc beaucoup de poussière, beaucoup de chaleur, avec des différences de température, parce que vous voyez aujourd'hui, il fait froid, il y a de la neige, on pouvait passer du plancher de coulée où il faisait, je sais pas moi, 50 degrés ambiant à moins 10 dehors, quoi. Donc ouais, c'était... c'était, faut appeler un chat à chat, c'était dur, c'était un métier compliqué. Mais en même temps, et j'ai tout de suite compris que je resterais là, à l'issue de cette visite, quand j'ai commencé à parler aux gens, en fait. J'ai vu un mélange, quoi. J'ai vu un mélange de diverses régions, de la vague d'immigration. Enfin, il y avait pas mal de choses. Et effectivement, ça m'a parlé, parce que moi, étant fils d'immigrés, avec une cohésion, une fraternité entre collègues qui était juste énorme, quoi, qui faisait que on aimait, enfin que moi j'ai aimé profondément ce métier, parce qu'on n'avait pas le droit de tirer au flanc, on n'avait pas le droit de jouer avec l'autre, et puis on pouvait pas tricher, en fait, parce que s'il y en a un qui trichait, il plantait tout le monde, voilà. Mais je retrouverai plus jamais ce que j'ai vécu, l'atmosphère, l'ambiance que j'ai vécu au fond, donc ça c'est clair, net et précis. Ah ouais, non. Ça me manque. C'est un désastre et en plus ça me manque. Alors on dit ouais, faut faire le deuil. Mais c'est dur parce que tous ces potes de galère, parce que c'était des collègues de galère, hein, on les voit de temps en temps dans la rue, on les croise. Alors qu'est-ce que tu te dis, bah, je travaille là et toi, bah maintenant je travaille là. Ou parfois je vais sur les lignes du finishing, bah pareil, ah t'es là. Mais c'est plus pareil, quoi. Enfin, c'est plus pareil. Vous voyez, ça c'est la voie ferrée d'usine. Voilà, ça c'est des rails. Là, ce sont des rails qui viennent de... Ben, maintenant c'est British Steel qui a repris. C'est le top. Hein. Ici on nous dit que c'est les rails du TGV. Mais regardez la longueur. Hein. Il faut que ce soit droit. Hein. Donc, regardez. Il y a combien de wagons là qui viennent de passer sans que le rail soit coupé. Il y a pratiquement toute une rame. Vous avez vu là ? C'est les fameux rails longs de 105 mètres, 104 mètres. Ah, ça c'est vraiment le top là. Hein. Ça c'est un autre. Là. Ah non, mais il y a du trafic. Hein. En fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on se mélange dans le même paysage des friches, enfin des installations abandonnées depuis longtemps, des installations tout juste arrêtées. Et des installations dont on pourrait croire, là, comme ce grand tuyau, qu'elles sont abandonnées, mais en fait pas du tout. Et on est quand même toujours au cœur d'une vallée qui produit encore beaucoup de choses. Là, on vient de pouvoir passer des longs rails. Ça se chevauche, en fait, toutes ces époques. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Si vous voulez, on va avancer, comme ça vous allez voir un peu la longueur, et puis on va aller voir un peu mieux. Là, c'était Ébange et ici c'est Florange. Ce sont les aciers pour emballage. Des très grands bâtiments en bardage, là, tout fermé, des grandes boîtes peintes en gris et blanc. Voilà, des grandes boîtes. Usine à froid, tout droit. C'est dans la ville, hein, il y a des panneaux qui indiquent les directions de ville et puis des directions d'usine. Les bobines à l'extérieur, donc là, sont alimentées par le pont roulant sur le convoyeur, en suivant un ordre de passage clairement défini. Et ensuite, donc là, sur un autre convoyeur, vous voyez une poutre, donc là, qui se soulève, qui vient récupérer les bobines et les fait avancer vers l'entrée de la ligne. Donc les lignes tournent 24 heures sur 24. Donc là, on a plus d'oxyde, donc la tôle, elle est prête à être laminée. Donc laminage, c'est l'opération suivante, qui consiste à réduire l'épaisseur. Donc là, de la tôle, ici, on a de 2 à 6 mm donc là, d'épaisseur. Et après le laminage, on va avoir des épaisseurs qui vont être de 0,4 mm jusqu'à 2 mm. En fait, c'est une opération où on passe donc ce ruban de tôle dans des rouleaux compresseurs qui vont comme une espèce de pâte pâtisserie. C'est exactement le principe que la pâte à pâtisserie. Vous avez votre rouleau à pâtisserie pour étaler votre pâte. Donc vous faites des allers-retours avec votre rouleau pour venir réduire l'épaisseur et vous allongez la bande. C'est l'étape prochaine du process. Et là, on comprend aussi pourquoi dans la métallurgie, les hangars sont immenses, parce qu'en fait, les rubans sont en continu, enfin, c'est un traitement continu des rubans, et donc il faut des hangars très longs pour dérouler ces rubans qui passent dans différents bains, etc. Puis les laminoirs aussi, on étend les rubans. Et là, on est dans un hangar de plusieurs centaines de mètres, et pour l'instant, jusqu'à présent, on a vu deux personnes aux machines. Deux personnes à l'entrée, et puis une personne ici. Deux personnes ici. Là, on a un hangar de 600-700 mètres de long. Je pense. Avec six personnes. Bon, c'est la partie décapage, oui. Et en effet, on traverse depuis tout à l'heure des successions d'opérations qui sont entièrement gérées par des machines gigantesques. Nous avons donc fini par la voir, cette tôle d'acier dont on nous avait tant parlé. Nous avons pénétré dans les immenses hangars d'ArcelorMittal, au département auto-industrie. Ici, les grosses bobines de tôle de 30 tonnes chacune étaient déroulées comme un simple ruban de scotch sur des centaines de mètres, puis plongées dans d'immenses bains d'acide, décapés, réenroulés, redéroulés, laminés et enfin galvanisés. En contemplant ce spectacle hors d'échelle, ces ponts roulants déplaçant à toute allure ces énormes bobines, on a enfin compris. Bien sûr, c'était elle, la vraie vedette, la tôle, ce long ruban d'acier étiré au fond de la vallée et que l'on continue à produire coûte que coûte, malgré les fermetures, malgré les milliers d'ouvriers remerciés. C'était donc la chaîne qui ordonnait tout, et c'était pour elle, la tôle, que tout avait été organisé et continuait de l'être, la vie des hommes et des machines, et le paysage. Vous voyez et on distingue quand même un haut fourneau tout là-bas. Je sais pas c'est. Ça c'est le haut fourneau du Cange. Bah, lui il est fermé depuis plusieurs années et celui-là il est maintenant actuellement. On peut aller le visiter celui-là. Il a été réhabilité pour pouvoir permettre des visites et des choses comme ça. Donc c'est le dernier haut fourneau du Cange. Avant il y avait plusieurs hauts fourneaux à Ucange et ils en ont gardé un pour justement pouvoir le faire visiter. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, qu'on puisse transformer des hauts fourneaux en musée ? Au début, je vais vous dire, je trouvais ça assez nul, quoi. Qu'on fasse un musée, justement, là où en fait, on avait perdu les salariés. Lavilliers, il est venu je ne sais pas combien de fois ici. Il a fait des spectacles. Et on va y regarder. Moi, je trouvais ça nul au départ, franchement, je vous dis. Mais finalement, c'est un beau lieu, je trouve. Donc, il faut reconnaître qu'ils mettent longtemps pour assainir une friche. Il y a des installations près de Godrange qui sont arrêtées depuis 20 ans et qu'actuellement seulement, on commence à essayer d'assainir. Et donc là, on est donc au pied de ce gigantesque haut fourneau qui est en fait entouré de tas de passerelles, d'escaliers, tout ça en acier assemblé. Ce gigantesque, c'est ce qu'on appelle une cathédrale d'acier. L'usine, elle a été construite en 1891, l'usine. Et c'est toujours debout. Est-ce que tout le monde était d'accord pour reclasser ce site en site touristique ? Si vous voulez, ici, en guide, des gens du Cange, il n'y en a pratiquement pas. Si vous voulez, moi, je viens d'une autre usine, donc ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. J'ai pas les mêmes émotions qu'un gars du Cange qui a travaillé ici. Donc là, on est au pied du haut fourneau ? Plancher de coulée. C'est ici, il est resté dans l'état dans lequel il était arrêté. Comme ça. Et on allait sur le plancher de coulée. La première fois que moi je suis allé sur le plancher de coulée, bon, comme je connais, mais je ne venais pas souvent à Ucange. C'était comme si les gens ils étaient au casse-croûte. Mais le plancher était figé. Il y avait encore le laitier, enfin, c'est la roche en fusion qui était refroidie, qui était figée. Tout était encore en l'état, comme si les gens étaient partis manger ou qu'ils allaient reprendre le lendemain. Parce que tous les deux, vous avez travaillé sur ces postes-là ? Oui, j'ai travaillé ici, oui. Devant jusqu'à sa fermeture en 91. Et ensuite, j'étais muté au fourneau à Ayange, sur lequel j'ai travaillé 21 ans, jusqu'à la fermeture, que j'ai fermé aussi. Vous avez vécu deux fermetures de hauts fourneaux ? Oui, deux fermetures de hauts fourneaux, c'est... Je sais pas que c'est courant, mais bon, il y en a qui ont fermé 5 usines. Moi, j'ai commencé en 1961. Donc, moi, j'ai commencé comme fondeur en main, mais comme ouvrier professionnel. Et j'ai ouvert des hauts fourneaux à la main. Alors, pour ouvrir au fond dans la main, on avait des grandes barres, on se mettait les pieds, vous voyez, donc la lueur rouge, on mettait les pieds dedans avec la grande barre, et derrière, il y avait deux collègues qui tapaient à la masse. C'est le marteau, ils tapaient dessus, donc vous avancez tout doucement. Quand vous étiez à peu près à 60 cm, qu'il y avait des étincelles, c'est comme comme une grosse bougie d'anniversaire. Alors regardez, vous voyez là, ce que ça fait. La gerbe d'étincelles, elle partait de là-bas, elle est jusque là. Alors, il fallait pas rester en face. Vous voyez. Et aujourd'hui, vous êtes guide pour une association qui s'appelle Messilor. Mémoire culture industrielle Lorraine. Le président à l'origine, c'est lui qui est à l'origine du classement du site de Lucat au répertoire des monuments historiques. La sidérurgie, elle avait pour habitude, dès que c'était arrêté, raser. Donc il y a eu l'expérience de l'Anhui, donc si vous allez à l'Anhui, vous avez toujours le fourneau couché. Ils se sont réveillés trop tard, donc il n'y avait plus rien. Donc ils se sont retrouvés devant un vide. Et les gens se sont dit, mais là, on est en train de perdre la mémoire. C'est quand même un vécu, ces 3 siècles d'histoire qui sont en train de disparaître. On n'a plus de témoins de mémoire, donc il faut garder. Et donc ici, ils ont commencé la même chose. Donc ils ont commencé à raser à l'autre bout, au fourneau 1, au fourneau 3. Puis là, quand ils sont arrivés ici, ben, ils ont arrêté pour qu'ils restent classés au monument historique. Donc là, maintenant, il est intouchable. Derrière le haut fourneau du Cange ont aussi été classés monuments historiques, un atelier électrique, des soufflantes, l'ancien bureau central et une énorme canalisation qui parcourt le site sur 2 km. Partout, des arbustes de quelques mètres ont poussé entre les dalles de béton du sol de l'ancienne usine. Que faire de ces immenses sites qui ont organisé la vie de la vallée? Qui installer à la place? Lesquels garder et desquels se séparer? Nous avons repris notre voiture jusqu'à Gandrange, dont l'aciérie est désormais fermée. Ici, de grands fantômes se dressent sur un site racheté par l'établissement public foncier de Lorraine, un organisme créé en 1973 pour endiguer les gigantesques transformations du paysage que les premières fermetures d'usines annonçaient déjà. Franck Randa, vous travaillez donc pour l'établissement public foncier de Lorraine. On est ici à Romba. Sur une gigantesque friche industrielle. Qu'est-ce qui était prévu ici ? Donc à l'origine, hein, lorsque les hauts fourneaux ont fermé en 1997, donc la collectivité nous a sollicité pour pouvoir racheter l'ensemble du site, pour pouvoir essayer de gommer le passé sidérurgique, c'est-à-dire démolir l'ensemble du site, essayer de retrouver une vue acceptable. Parce qu'effectivement, avoir vu sur une usine fermée pour la population, c'est quand même qui était déjà très traumatisée par cette fermeture sidérurgique avec toutes les pertes d'emplois. En plus, voir ces bâtiments en ruine était quand même très compliqué. Donc lorsque nous avons pu acheter après 10 années de négociations foncières, petit à petit, on a essayé d'accompagner les élus en disant que ce territoire avait aujourd'hui un fort potentiel. Pourquoi c'est un établissement public, donc l'État, qui intervient dans ces territoires ? Il faut quand même se dire que là, vous êtes sur l'usine de Romba. Cette usine s'étend sur 550 hectares, ce qui est énorme. C'est des sites qui ne peuvent pas être gérés par les communes. En plus, on est sur des choses qui sont quand même très contraintes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez une grande clairière. Il faut se dire qu'en dessous, on a, par exemple, vous avez des anciens laminoirs, on a des niveaux qui peuvent descendre jusqu'à 12 mètres de profondeur. Vous avez des galeries, vous avez énormément de choses. Quand vous avez des socles de hauts fourneaux, les socles de hauts fourneaux, effectivement, c'est des gros massifs en béton armé, avec des ferrailles qui sont, on va dire, importantes et qui descendent aussi très profondément. Donc, on est sur des terrains qui sont quand même très contraints. Et c'est vrai que l'action forte ne pouvait être portée que par l'État. Est-ce que la question de la démolition est systématiquement envisagée ? Est-ce qu'il y a le premier réflexe, ça va être ça. Malheureusement, oui. Alors, il faut dire que quand vous êtes extérieur à la région, effectivement, vous pouvez voir assez facilement peut-être ce côté, on va dire, romantique de ces ruines, sa qualité un peu architecturale, le côté un peu industriel qu'on aime. Le problème, c'est que quand vous avez vécu dans la région et que vous avez grandi au pied de hauts fourneaux, au pied de ce type de bâtiment, vous n'avez pas ce recul. Le haut fourneau n'est pas encore perçu comme un patrimoine. Et donc là, on est devant cette immense halle en briques et verre et acier. On voit qu'il y a encore des cheminements, enfin des grandes installations en hauteur. Il y a encore les consignes, mauvais outils et désordre égale accident. Ce sont des immenses pancartes suspendues au milieu de la halle. Devant nous, des bassins ou des fosses, dont moi, en tout cas, je n'ai pas la lecture. Pour nous, ce qui était important, c'était de faire attention, parce que de ne pas tout démolir et regretter. Ici, on est donc entre deux bâtiments, cette grande halle et puis un long bâtiment avec une façade magnifique, elle aussi en briques, percée de beaucoup de fenêtres. Et au loin, on a d'autres silhouettes, l'immense aciérie de Gandrange qui a fait l'objet de beaucoup d'actualités. Enfin, le regard porte très très très loin ici. On est sur un paysage de fond de vallée, hein, donc avec les installations sidérurgiques en fond de vallée. Vous avez effectivement le magasin général, un bâtiment, celui-ci fait environ 600 mètres. On avait sur le site de l'usine de Ramba des bâtiments qui faisaient 1,5 km. On a au loin effectivement la scierie de Gandrange. C'est un bâtiment où on pourrait mettre la cathédrale de Metz, vu sa hauteur. Donc on est quand même voilà, sur des éléments aujourd'hui qui marquent fortement le paysage. Donc à l'avenir, c'est de voir comment on peut conserver quand même des repères dans cette vallée pour que voilà, on inscrive le site autant dans son passé que dans son avenir. Donc voilà, mais il faut se dire qu'on est, on ne change pas un paysage industriel de plus de 100 ans en 5 ans, ni en 10 ans. Je peux ici dire que ces engagements seront tenus et que j'en serai avec le gouvernement le garant. Je sais les inquiétudes, les doutes compte tenu du passé, compte tenu des manquements. J'ai vu la détresse et la colère. J'en mesure aussi les causes. Mais ma responsabilité, c'est de faire qu'il y ait un avenir pour Florange. Et tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Et ce qui a été engagé aussi pour faire que ce projet Ulcos voit le jour auprès de l'Europe sera mené à bien. J'en fais ici la promesse. On comprend qu'il va y avoir une mise sous cocon avec tout un jeu politique en France pour essayer de sauver ou pas ces installations. Il s'est passé 5 ans quasiment, 24 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la vallée ? Très clairement, ce qui a engendré la fermeture de la filiale liquide de Florange à Yange, dans tous les cas de la vallée de la Fensch, ça a été d'abord des conséquences industrielles, parce qu'on perd un outil. Ça a été des conséquences sociales, parce qu'il y a eu des suppressions d'emplois. Pas en ce qui concerne la population ArcelorMittal, mais prestataires. Il y a toute la population intérimaire qui a été remerciée. Et forcément, ce qui engendre des conséquences sociales, ce sont des conséquences politiques, avec la montée du Front National et aujourd'hui un maire Front National à la mairie d'Ayange. Alors que ça a toujours été un fief de gauche. Voilà, il n'y a rien de plus parlant. Je veux dire, et c'est là où c'est dangereux, parce que là, on se dirait, bon, effectivement, c'est une vallée. Vous savez, c'est un peu comme la gangrène, hein, ça commence par le doigt de pied, et puis ça finit par le bras, quoi. Mais c'est là où c'est dangereux. On n'a pas le droit de jouer avec tout ça, avec l'outil et avec les salariés du pays, quoi. Alors il est 17h30, samedi, à Ayange. Face à moi, des grandes carcasses noires qui se détachent dans la nuit, des hauts fourneaux de Ayange, Florange. Et puis devant une grande, un grand espace laissé libre, une sorte de friche où il y a la végétation qui a un peu repris le dessus. De l'autre côté de la vallée, il y a ce coteau plongé dans le noir et qui flotte un petit peu au-dessus. La Madone éclairée, Notre-Dame du Fer, sous laquelle des lettres lumineuses qui nous disent « Bonne année ». Et donc on est dans cette ville d'Ayange, une des 11 villes FN de France. Et j'ai donc rendez-vous à la Bascule, un bar pub à l'entrée d'Ayange. Gilles Vaubédo, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est exactement là dans Ayan, le 71 rue de Vindel? Ici c'est l'entrée du centre-ville et on est concrètement au pied des fameux hauts fourneaux de Florange, qui sont en réalité sur le banc communal de Ayange. Et en face de nous, il y a une grande friche industrielle qui est inoccupée. On aimerait voir de l'activité, on aimerait voir des entreprises. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une zone qui est à l'abandon. Alors la municipalité, elle a un projet, c'est d'y implanter un énième supermarché, discount. Alors, on aura un Lidl au pied du haut fourneau, c'est un exploit pour eux. Et pour nous, on pense que c'est une vraie erreur pour Ayange. Donc on est le long d'une rue qui rentre dans Ayange. De l'autre côté, il y a ces grands hauts fourneaux. C'est toujours la propriété d'ArcelorMittal. Depuis 2012, ces hauts fourneaux sont à l'arrêt et aucun projet ne pouvait être entrepris. Et là, la nouveauté, c'est que ArcelorMittal est prêt à céder le bail qui permettrait du coup d'implanter une activité. C'est fort en termes de symbole. Ça veut dire que la mise sous cocon est terminé et que la fermeture des hauts fourneaux est actée. Il y a une dimension affective aussi. Moi, personnellement, ça me ferait quand même mal de voir le démantèlement de ces deux hauts fourneaux parce qu'ils font partie du paysage dans lequel on a grandi, parce qu'ils symbolisent beaucoup de choses. Ça employait des gens. C'était synonyme de vie pour toute une vallée. On sait depuis des années que les hauts fourneaux étaient sur la sellette, que ça allait fermer. Ça a failli fermer plus d'une fois. On le savait et je pense que ça a amené aussi beaucoup de gens à ne pas voter. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu un sentiment de trahison et de dégoût. Moi le premier, je me sens trahi. Je rentre pas dans le tous pourri, mais moi le premier, je me sens trahi. Moi j'ai voté pour François Hollande. Hein. Mais je me sens trahi, voilà, tout simplement. Donc quand on se sent trahi, ben, on va vers qui? On peut comprendre que d'autres puissent être trahis eux aussi, bien évidemment, et se sentir écoutés par certaines sirènes d'extrême droite, quoi. Moi, je suis issu d'une vague d'immigration, je suis fils d'immigré, ma mère est née à Porto, mon père est italien. Je veux dire, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ils ont eu, entre guillemets, je vais employer le mot, parce que c'est ce que je pense au fond de moi, ils ont vraiment eu les couilles de traverser soit les Alpes, soit les Pyrénées pour venir travailler en France, alors soit pour quitter certains régimes fachos, que ce soit Salazar ou que ce soit Mussolini de l'autre côté. J'aurais eu tellement de fierté de gagner ce combat, moi et mes amis, mes camarades, pour montrer que voilà, c'est pas nous, cette génération, qui avons mis la clé sous la porte, quoi. C'est ça qui est un peu gênant. C'est pas une honte, mais ouais, j'aurais tellement aimé gagner ce combat pour la reconnaissance vis-à-vis de mes aides. Voilà. Quelqu'un a une couronne pour le film ? Elles sont là-bas sur la table. Et donc c'est le jour de la galette des rois. Il faut venir à la Bascule le samedi soir. La Bascule. Mais les cathédrales d'acier de Lorraine, quand l'industrie quitte une vallée. Merci à Marco Lénine, Bernard Porquedu, Jean-Pierre Barbeau, Antoine Bach, Gaston Bedeau, Lionel Buriello, Anita Bonnard, Sylvain Chabanet, Franck Randa, Gilles Vaudébeau et Nathalie Ambrosin-Chini. Merci également à Lionel Bellotti, Leslie Sieja et Régis Stenger. Ce documentaire est dédié à la mémoire de la famille Rosinski, Une production de Camille Jusa, réalisée par Vincent Deck. Mineurs, sidérurgistes, patrons, ouvriers, syndicalistes ou guides touristiques, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Pour venir voir les cathédrales d'acier, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la mine ou nous réécouter à Florange, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, après la mort de Castro, nous irons refaire un tour du côté de l'histoire cubaine. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.